439. Cheutsukyochi. Ces mots signifient jurer à la face des dieux pour se justifier. Le passage que nous expliquons ici veut dire entrer en colère, et faire en même temps des imprécations, contre soi-même et contre les autres. En général, quand nous insultons grossièrement les hommes et les dieux, les mauvais esprits qui sont répandus dans le monde entier, accomplissent les imprécations que nous avons faites, et nous punissent sur le champ. Histoire: la femme de Yen Tian entretenait des relations coupables avec un autre homme, et elle avait volé un mouchoir à un de ses voisins. Celui-ci l'accabla d'injures, et dévoila son déshonneur. Yen Tian fit cette imprécation: « Si ma femme a réellement des relations coupables avec un autre homme, et si elle a volé votre mouchoir, qu'elle soit frappée de la foudre. Si cette accusation est fausse, je souhaite que vous mouriez à sa place. » Quelque temps après, le mari et la femme furent frappés de la foudre. Les mois suivants étaient imprimés sur la poitrine de Yen Tian, homme stupide qui a voulu conserver sa femme coupable. Sur la poitrine de sa femme, on lisait « Adultère et voleuse ». Voilà comment le ciel punit ceux qui font des imprécations contre eux-mêmes et contre les autres. Être injuste dans son amour et dans sa haine. Commentaire. Le mot pien un veut dire injuste, pukongping. Le mot sang deux signifie avoir de l'antipathie, de la haine. Le mot ngai quatre signifie aimer, affectionner. Les hommes d'aujourd'hui ne peuvent aimer tout le monde. S'ils voient un sage, ils l'aiment. Un homme vicieux, ils le haïssent. Ainsi le veut la justice et la raison. Mais si vous haïssez quelqu'un injustement, vous fermez les yeux sur ses bonnes qualités. Si vous l'aimez avec partialité, vous fermez les yeux sur ses défauts. Dès que nous avons pour quelqu'un une haine ou une amitié passionnée, nous mettons l'injustice à la place de la justice, nous appelons sur nous le blâme des autres, et nous attirons toujours les plus grands malheurs. On voit souvent un frère devenir l'ennemi de son frère, et pousser la haine jusqu'à ruiner toute sa fortune. Cela vient de ce que dans l'origine leur père et mère ont haï l'un injustement, et ont aimé l'autre avec partialité. Celui qui était aimé faisait éclater les transports de sa joie. Celui qui était haï était oppressé par le dépit et le chagrin, et à la longue ils sont devenus des ennemis acharnés. Cette affection partiale du père et de la mère n'était point une véritable affection, et c'est là ce qui a fait leur malheur. Sauter par-dessus les puits, sauter par-dessus le foyer. Commentaire. Le mot yuei, un, signifie sauter par-dessus. L'eau et le feu servent à nourrir les hommes. Il y a des esprits qui président au puits et au foyer. Si vous sautez par-dessus, non seulement vous insultez les dieux, mais vous montrez que vous avez oublié les deux choses qui sont la base de la vie des hommes. C'est une faute des plus graves. On dit ordinairement, il ne faut pas s'approcher des puits pour y regarder. On dit encore, on ne doit pas cracher dans les vieux puits. Si donc il n'est pas permis de regarder ni de cracher dans les puits, à plus forte raison n'est-il pas permis de sauter par-dessus. Le dieu du foyer est un des cinq esprits auxquels on offre des sacrifices domestiques. C'est lui qui préside sur toute la maison. Le prince du Tao, Lao Tzu, dit, « Ceux qui suivent ma doctrine peuvent sacrifier aux dieux du foyer et aux âmes de leurs ancêtres. Tout autre sacrifice est inutile et coupable. » On voit par là qu'on ne doit pas sauter par-dessus le foyer. C'est pourquoi Wu Chang fut élevé au rang des dieux pour avoir tressé des treillis destinés à protéger les puits. Yin Zifeng obtint une grande fortune pour avoir sacrifié avec respect aux dieux du foyer. Si donc ceux qui ont respecté les puits et le foyer ont été récompensés de la sorte, on peut juger du crime que commettent ceux qui les profanent et leur manquent de respect. Remarquons profane les puits et le foyer, non seulement en sautant par-dessus, mais aussi en s'asseyant sur la balustrade d'un puits, et en mettant le pied sur la porte du foyer. On doit s'abstenir soigneusement de cette double faute. Passer par-dessus les aliments, passer par-dessus les hommes. Commentaire. Le mot tao, un, veut dire passer, en sautant, par-dessus quelque chose. Les aliments sont la providence du peuple, l'homme est la plus intelligente des créatures. Si vous sautez par-dessus les aliments et les hommes, et que vous montriez ainsi le mépris que vous en faites, comment ne seriez-vous pas coupable? On lit dans l'ouvrage intitulé San Kuanqing, tous ceux qui ne respectent pas les grains et qui les salissent en marchant dessus, seront eux-mêmes foulés aux pieds. Ce passage nous montre combien est grave le crime de ceux qui sautent par-dessus les aliments. Confucius dit, « Celui qui fabriqua le premier des hommes en bois, fut privé de postérité, parce qu'il les avait faits à l'image de l'homme, et les avait employés dans les funérailles. » À plus forte raison n'est-il pas permis de sauter par-dessus un homme vivant. On lit dans le livre des rites. Quand vous entrez dans un royaume, ralentissez la marche de votre char, de peur qu'il n'écrase des hommes. B. Faire périr des enfants après leur naissance ou avant qu'ils ne voient le jour. Commentaire. Un homme doué d'humanité s'identifie de cœur avec le ciel et la terre. Il s'abstient de tuer et met en liberté les plus faibles animaux. À plus forte raison n'est-il pas permis de détruire les enfants des deux sexes. Il y a des femmes qui ont formé des liens coupables et qui veulent effacer les traces de leur déshonneur. Il y en a qui, n'ayant qu'une fortune médiocre, se lassent d'avoir beaucoup d'enfants. Les unes les détruisent après leur naissance, les autres les font périr dans leur sein avant de leur avoir donné le jour. C'est le crime le plus grave qu'on puisse commettre. Histoire sous la dynastie des Song, il y avait un homme de haut nommé Yuan Xiu, dont la fortune s'élevait à 400 000 onces d'argent. Il eut 4 fils de sa femme légitime. Il enterra vivant tous les enfants que lui donnèrent ses concubines. Un jour, il rêva qu'une dizaine d'hommes le poursuivaient avec acharnement. Yuan Xiu se leva en sursaut, mais ses 4 membres se changèrent en jambes de bœuf. Il se retourna douloureusement sur son lit, et poussa des cris affreux pendant 3 jours. Ensuite sa tête se sépara de son corps, et il mourut. Le roi de l'autre monde l'enferma pour toujours dans la prison de l'enfer, et décida que ses 4 fils, qui étaient encore sur la terre, seraient condamnés à mort. Leur fortune de 400 000 onces d'argent fut confisquée au profit de l'État. Ce n'est pas tout. Il ordonna à un esprit du ciel de parcourir tout l'Empire et d'exterminer sur le champ tous les hommes qui ressemblaient à Yuan Xiu, sans attendre qu'ils fussent interrogés après leur mort devant les 10 tribunaux de l'enfer. On voit que ceux qui font périr des enfants après leur naissance, ou avant qu'ils ne voient le jour, allument la colère implacable des esprits du ciel et de la terre. De nos jours nous voyons beaucoup de mères dénaturées qui, pour se dispenser d'élever leurs filles et de leur donner une dot, les noient dans le vase qui les a reçues en naissant. Elles méritent d'être punies aussi rigoureusement que Yuan Xiu. Faire beaucoup de choses clandestines ou extraordinaires. Commentaire. Le mot yin, un, veut dire faire une chose. Le mot yin, 3, clandestin, s'applique ici aux actions qu'on fait en secret dans le but de tromper les autres. Par exemple, au vol, à l'adultère, et en général à toutes les actions qu'on ne voudrait ni laisser voir au ciel, ni raconter aux hommes. Cependant, toutes les actions clandestines finissent par être dévoilées, et celui qui les a faites meurt ordinairement couvert de honte et d'ignominie. Le mot « pi » 4 exprime ici ce qui est étrange, ce qui s'écarte de la droite raison. Ceux qui aiment à faire des choses étranges et extraordinaires ne manquent jamais d'égarer les hommes du siècle et de tromper le peuple. Mais la plupart d'entre eux meurent d'une mort violente. Confucius disait « Je n'imiterai point ceux qui cherchent les choses cachées et qui font des choses extraordinaires pour qu'on parle d'eux dans les siècles futurs. Ceux qui font beaucoup de ces actions doivent se hâter de changer de conduite. Chanter et danser le premier jour de la lune ou le dernier jour de l'année. » Commentaire. Le mot « i » signifie la fin de la lune. Les grandes lunes ont 30 jours, et les petites lunes, 29 jours. C'est au dernier jour de la lune que l'esprit du foyer, qui préside à la vie des hommes, monte au ciel et va faire connaître leurs mérites ou leurs fautes. Le mot « la » de veut dire la fin de l'année, le dernier jour de l'année. Ce jour-là, les esprits du ciel et de la terre examinent les vertus ou les péchés des hommes pour les punir ou les récompenser. Il y a en outre 5 époques qu'on appelle « la ». Le premier jour du premier mois s'appelle « tien-la » ou « le la du ciel », le 5e jour du 5e mois s'appelle « ti-la » ou « le la de la terre », le 7e jour du 7e mois s'appelle Tao Te La, le La de la raison et de la vertu. Le 1er jour du 10e mois s'appelle Sui La, le La de l'année. Le 8e jour du 12e mois s'appelle Vangeu La, le La de l'empereur et des vassaux. Ces 5 jours-là, les esprits du ciel jugent les fautes et les crimes des hommes. Et le ciel permet aux âmes de nos ancêtres et de nos proches parents de retourner dans leurs anciennes demeures, pour y recevoir des offrandes funèbres. Quand ces jours sont arrivés, tous les hommes doivent examiner leurs fautes et redoubler de vigilance sur eux-mêmes. Mais s'ils chantent et dansent, s'ils s'abandonnent à la mollesse et au plaisir, ils commettent une faute des plus graves. Histoire homme de Huayin, nommé Qiang Fu, veillait constamment sur lui-même avec la plus grande attention, et accueillait les autres d'un air doux et modeste. Le 1er, le 15e jour de la lune, et le dernier jour de l'année, il récitait des prières et adorait les dieux. Le 1er matin de l'année, un homme du commun, qui était ivre, l'accabla d'injures grossières. Tous les gens de sa maison et ses voisins en furent indignés. Fou leur dit : dans cette belle fête, quel est l'homme qui ne boit pas de vin? Il est dans la nature de l'homme de perdre la raison au milieu de l'ivresse. C'est se montrer dépourvu de grandeur d'âme que de disputer avec un homme ivre. Ces paroles louables parvinrent à la connaissance des dieux. La nuit suivante, il eut un songe, et un homme qui portait un bonnet d'or et un manteau violet lui parla en ces termes. Puisque le premier jour de l'année vous avez su endurer ce que les autres hommes ne peuvent endurer, le Maître du Ciel, pour vous en récompenser, vous accordera le bonheur et une longue vieillesse, et vos fils et vos petits-fils obtiendront des charges éminentes. En effet, Qiang vécut jusqu'à l'âge de 80 ans, et ses fils et ses petits-fils obtinrent tous de brillants honneurs. On peut juger, d'après la récompense de Qiang Fu, combien sont coupables ceux qui chantent et dansent le dernier jour de la lune et le dernier jour de l'année. Pousser des clameurs ou se mettre en colère le premier jour de la lune ou le matin. Commentaire. Le mot « so » signifie le premier jour de chaque mois. Le mot « temps » veut dire le matin de chaque jour. Ao 3 signifie crier à haute voix. Le mot nous 4 veut dire se mettre dans une violente colère. Toutes les affaires du mois commencent le premier jour de la lune, toutes les affaires de la journée commencent le matin. C'est pourquoi le premier jour de la lune, et chaque matin, le sage brûle des parfums et honore les esprits du ciel et de la terre et les âmes de ses ancêtres. À ces époques du mois et du jour, il n'oserait se livrer à la joie. À plus forte raison, n'oserait-il pas se mettre en colère. Mais les hommes du commun sont d'un caractère bouillant et impétueux. Ils n'ont ni crainte ni retenue. Ils ne manquent jamais d'offenser les esprits. Ajoutez à cela que lorsqu'on pousse des clameurs ou qu'on se met en colère, des vapeurs grossières s'élèvent du foie, et toute la pureté de l'air vital se dissipe avec la voix. Alors l'esprit s'obscurcit et ne peut plus former de bonnes pensées. Les livres de Ephod disent, en se mettant en colère, on perd ce qui est la base et la racine des bons principes, et l'on commet des péchés qui entraînent l'homme dans les trois carrières malheureuses appelées au Tao. Il faut renoncer promptement à cette fatale passion, de peur qu'elle ne croisse de jour en jour. Ainsi, on ne doit pas crier ni se mettre en colère, non seulement le premier jour de la lune et le matin, mais encore à toutes les époques du mois et de la journée. Pleurer, cracher et lâcher de l'eau du côté du nord. Commentaire. Le nord est le lieu où réside le prince des étoiles du boisseau du nord. Le pôle du nord est le gond du ciel. Il tient dans sa dépendance tous les esprits des trois mondes et des dix parties de l'univers. On l'appelle Chitsu, c'est-à-dire très honorable. Si vous osez pleurer, cracher ou lâcher de l'eau du côté du nord, vous outragez les dieux et vous souillez leur présence. Vous diminuez l'espace de vie que le ciel vous avait accordé. Observez-vous donc sur ce point avec la plus grande attention. Il ne faut pas non plus cracher ni lâcher de l'eau du côté de l'Orient au printemps, du côté du Sud en été, du côté de l'Ouest en automne, du côté du Nord en hiver, ni du côté que regarde le manche du boisseau. Histoire au jour, Kuan Yin s'est enlevé de bonne heure, se peigna du côté du Nord, mais tout à coup il se dit avec effroi, le Nord est le lieu où réside le génie vénérable du pôle du Nord. Comment oserais-je m'asseoir de ce côté? Aussitôt il se repentit de sa faute, et en fit l'aveu sincère. On voit par là que les anciens regardaient comme un crime de s'asseoir du côté du nord. Ne sont-ils pas plus coupables encore ceux qui crachent et lâchent de l'eau de ce côté? Chanter et pleurer devant le foyer. À brûler des parfums avec du feu pris au foyer. B. Préparer les aliments avec du bois sale. C. Commentaire. Sale expression Inyong veut dire chanter, Kaoyong. On offre au dieu du foyer un des cinq sacrifices domestiques. Il préside à la vie de toutes les personnes de chaque maison. Quoiqu'il soit très près de nous, il ne faut ni le flatteur, ni l'offenser par un excès de familiarité. On lit dans le livre du foyer, de Huangti, il n'est pas permis de chanter, de pleurer, de faire des imprécations, ni de vociférer à la porte du foyer. On voit par là qu'on offense gravement le dieu du foyer en chantant et en pleurant devant lui. Bon ne peut offrir au dieu que des parfums parfaitement purs. Si par hasard le feu du foyer est produit par du bois sale et infect, on les offense de la manière la plus grave en prenant de ce feu pour brûler des parfums. Lorsque le bon Skyjan récitait des prières, il brûlait des parfums avec du feu tiré d'un caillou ou d'un morceau de bois. Il était grave et respectueux comme s'il se fût trouvé en présence de Fo. S'il ne pouvait allumer lui-même du feu pur pour brûler des parfums, il n'osait jamais en prendre ailleurs. Un autre bonze, qui lisait assidûment le livre Kinkanking, ne se faisait jamais scrupule de prendre du feu au foyer pour brûler des parfums. et dit. B. Quoique le bois se place au-dessous des aliments qu'on veut préparer, cependant il exhale des vapeurs qui s'élèvent dans l'air. Si l'on se sert de bois ou de plantes sales, pour faire chauffer les boissons et cuire les aliments, leur vapeur impure blesse le dieu du foyer. Comment pourrait-on être exempt de faute? Rester nu et découvert lorsqu'on se lève la nuit. Commentaire. Les dieux se promènent en tous lieux pendant la nuit. Celui qui reste nu et découvert lorsqu'il se lève la nuit offense les esprits et commet le crime le plus grave. Histoire. Kuokai était un homme sans principe. Lorsqu'il sortait du bain, dans les jours d'été, il avait coutume de jouer tout nu, de la guitare, et se livrait en chantant au transport d'une folle gaieté. Un jour, ayant levé par hasard la tête, il aperçut au haut de sa maison le dieu Chinvu, qui sortait du milieu des nuages. Il avait à ses côtés deux hommes, dont l'un tenait un étendard, et l'autre une épée. Kuokai fut glacé d'effroi. Il mit promptement ses vêtements et son bonnet, brûla des parfums, et se prosterna devant eux. Quelques instants après, ils disparurent. Dès ce moment, il défendit sévèrement à toutes les personnes de sa maison de rester nues ou découvertes d'une manière immodeste. La fille d'un magistrat de la ville de Pangqing tomba un jour dans le délire, sans qu'on pût en deviner la cause. Elle courait toute nue avec une espèce de frénésie. Les médicaments et les prières ne lui procurèrent aucun soulagement. Ses parents supplièrent un saint homme nommé Chang Xinjin de venir lui-même l'exorciser. Au moment où les esprits allaient venir à sa voix, la jeune fille changea de visage et s'écria. Cette femme méprisable que vous voyez a couru toute nue pendant la nuit, et elle a offensé les vénérables esprits du ciel. Elle a mérité d'être tuée sur le champ. Mais, je vous en prie, esprit puissant, daignez me pardonner. À ces mots, elle tomba à la renverse, et se trouva complètement guérie. Cet exemple doit apprendre aux hommes du siècle à ne plus commettre ce péché en disant « La nuit est obscure, et personne ne le saura. » Infliger des supplices aux huit époques appelées patsiers. Commentaire. Est-ce les huit époques appelées patsiers? Sont 1 degré Lichin le 4 de février, 2 degrés Chinfen le 21 de mars, 3 degrés Lia le 6 de mai, 4 degrés Yachi le 21 de juin, 5 degrés Lites apostrophe You le 8 d'août, 6 degrés Xiufen le 23 de septembre, 7 degrés Litong le 8 de novembre, 8 degrés Tongchi le 22 de décembre. À chacune de ces huit époques, les deux principes yin et yang se succèdent mutuellement dans la nature, et un changement analogue s'opère en même temps dans le corps humain. Si l'on inflige alors la bastonnade à quelqu'un, il est rare qu'il n'expire pas sous les coups. De plus, à ces époques, les dieux rendent leurs décisions sur les peines ou les récompenses des hommes. Si donc l'on inflige alors des supplices, on allume infailliblement la colère du ciel. C'est pourquoi aux époques appelées patsiers, on ne doit point employer à la légère les instruments des supplices. Histoire. Sous la dynastie des Tang, Théoufan était commandant en chef des troupes de Lo Cheu. Tous les jours, il faisait massacrer injustement des hommes du peuple et des soldats. Aux époques de l'année où l'on doit visiter les prisons et détacher les fers des condamnés, il ne suspendait pas le cours de ses cruautés. Dans l'hiver de la deuxième année du règne de Taizong, en 628, il tomba malade, et s'écria tout à coup. « Je vois un homme qui m'apporte une belle citrouille sur un plat. » Comment pourrait-on trouver une belle citrouille en hiver? Lui dirent les personnes qui l'entouraient. Hélas! Dit Fan tout tremblant d'effroi, c'est une tête d'homme qui vient demander ma vie. À ces mots, il expira. On voit, par cet exemple, qu'on ne doit infliger les supplices qu'avec une extrême circonspection. Opikan avait commencé par être gardien de la prison de Huayin. À chacune des époques appelées Patsie, il suppliait en pleurant le gouverneur du district de diminuer les peines graves et de remettre les peines légères. Il sauva la vie à une multitude d'hommes. Quelque temps après, il devint gouverneur du district de Tanyang. À chacune des époques appelées Patsie, il témoignait une tendre pitié aux condamnés et faisait tout ce qui dépendait de lui pour adoucir leur sort. Un jour, une vieille femme se présenta à sa porte et lui dit « Comme vous jugez les causes criminelles avec autant d'équité que d'indulgence, le maître du ciel vous fait don d'un livre qui sera pour vous le gage d'une postérité nombreuse. » À ces mots, elle lui remit le livre. « Il se compose de 80 feuilles, lui dit-elle, et vous aurez un pareil nombre de fils et de petits-fils qui obtiendront des charges élevées. » Dans la suite, cette prédiction s'accomplit. C'est ainsi que fut récompensé Théoufane pour s'être abstenu d'infliger des supplices aux 8 époques appelées Patsie. Aux 8 époques appelées Patsie, disait un sage appelé Shang Tes apostrophing Chinjin, les hommes doivent s'efforcer de pratiquer le bien. Il ne faut point se mettre en colère ni se disputer, car ceux qui le font commettent un crime grave. Si donc il est défendu de se mettre en colère ces jours-là, à plus forte raison n'est-il pas permis d'infliger des supplices. Cracher contre les étoiles qui coulent. Commentaire. On entend par l'expression Liu Xing, les étoiles qu'on voit voler d'un point du ciel à l'autre. Les unes passent dans un nouveau signe du zodiaque et changent de degré, les autres tombent pour toujours. D'autres, enfin, sont des astres sinistres qui font descendre le malheur sur les coupables. Ce sont des phénomènes que le Maître suprême envoie pour servir d'avertissement aux hommes et les détourner du crime.